Salut la compagnie, je suis Lilian Lloyd, auteur, metteur en scène, et j'anime le Lloydcast, un podcast où se côtoient des remarquables, qui sont des personnalités que j'essaie de mettre en lumière, et des résonances, où je viens parler de sujets autour de l'actualité culturelle ou de mon travail. Le Lloydcast est disponible sur iTunes, Spotify, PodCloud et YouTube. À très vite, et n'hésitez pas à vous abonner.